Azili Kakma, The Star Prod, 2010. Planète Dive, Planète Dive, Planète Dive. Yeah, écoute, yeah, envie d'y croire. Que le monde n'est pas si cruel et que chacun peut un jour voler de ses propres ailes. En y mettant du zèle, on arrive à tout. N'allez surtout pas croire que le monde vous attend à genoux pour t'aider à surmonter les épreuves du nage. Un contre-courant dans ce putain de fleuve sans jamais ralentir. Car on t'a dit, accroche-toi à tes rêves, tu veux assouvir tes envies et fais le bien. Ne choisis pas le mal, car il paraît que personne ne court plus vite que les balles. Y'a pas de drame dans ma vie, dans ma rue, parce qu'en fin de compte, la haine ne nous a pas encore eu. Ne nous a pas emmené dans un gouffre sans fond, ne nous a pas entraîné dans une chute sans fin. Parce qu'on a choisi de faire quelque chose de bien de nos mains. Parce qu'on aspire à vivre de meilleurs lendemains. Alors on traîne en basket large, tape tape des démarches, fume fume sur les marches. On amasse les joints, oublie ce qui nous tracasse. Chez moi y'a pas de crasse, pas de place, pas que des derniers de la classe. Alors j'cause cause passe en mode pause pause. Et quand j'paranoie, c'est ma tête qui explose plose. À grosse dose dose, j'accuse la faute faute. J'écris ta prose prose, écrase toutes les roses roses. Jette dans la fosse, fosse au lion. Lutter contre mes tentations, j'ai que ça à faire pour embellir ma vision. Et y'a pas de trip bidon, pas d'ambiance gangster. Et quand je fais le con, j'en deviens plus amer à cœur ouvert. L'homme attaque la vie avec une poignée de fer. La terre entière erre et veut briser les frontières. Mais trop fier, trouver une solution s'entretue. Personne ne veut entendre parler de négociation. Pas d'abdication, trop tôt pour rêver. Plutôt que de marcher unis sur les mêmes sentiers. Non, se faire la guerre est pour eux plus rentable. Le nombre de victimes n'est pas le sujet mis sur la table. Une terre arable qu'on se tue à rendre stérile. Maintenant y'a autant de vices à la campagne que dans les villes. Et ça me déprime de voir tout ce beau monde partir en couille. Parfois je me dis qu'il ferait mieux de se tirer une douille. Un peu comme moi, un mec pisse toujours en émoi face aux injustices et hautes bavures de l'État. Mais je m'en fais pas, le reste attendra. Peu de gens me connaissent, appelle-moi Azili Kakma. Kakma, Kakma.